Exercice 13, page 45. Pour lui, débuter une enquête, c'est commencer la lecture d'un bon roman. Aujourd'hui, pas de sang sur la scène de crime, mais déjà une énigme. Pourquoi Laurent le Prince s'est-il retrouvé dans l'eau sans ses chaussures?